Mandela Nizigama. Audrey Nendaikeza sur la mise en onde. Bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici les grandes articulations. Deux personnes, dont un homme et sa femme, ont été assassinées par des personnes non encore identifiées. Cela s'est passé sur la commune Kabarole en province de Kayanza. L'administrateur de cette commune pense que les mobiles politiques seraient derrière cet assassinat et demande à la population de cette localité de rester sereine. Et page éducation, plus de 150 élèves parmi ceux qui ont passé le concours national édition 2018 dans les écoles fondamentales de la province scolaire de Rumonge n'ont pas droit à l'avancement de classe, quelle que soit la note obtenue au concours. Selon le directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, ces élèves peuvent demander le redoublement car ils n'ont pas terminé l'année scolaire conformément à la loi. Les employés de la société Lumitel poursuivent leur mouvement de grève entamé depuis le 6 septembre. Le dossier qui était à l'inspection générale du travail pour question de conciliation a été déjà transmis au ministère de la fonction publique. Et vers la fin de ce journal, il y aura une chronique éducation. Voilà pour le sommaire. Nous sommes mercredi le 19 septembre. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Débutons pour ce journal par la sécurité. Deux personnes, dont un homme et sa femme, ont été assassinées par des personnes non encore identifiées la nuit de ce mardi. C'est sur la colline Nemuyumu de la zone Lugazé en commune Kabarole de la province Kayanza. Comme l'affirme l'administrateur de cette commune, ce jeune homme âgé d'une trentaine d'années était président de la Ligue des jeunes Imonela Kule. Dans cette zone, Victor Nakultimana pense que les mobiles politiques seraient derrière cet assassinat et demande à la population de la localité de rester sereine et vigilante. Suivez-le. Il a été joint au téléphone par Gertrude Maunayo. C'était vers 1h du matin sur la colline de Buyumu dans la zone Rugazi de la commune Kabarole. Un groupe de marcheteurs a fait irruption sur la colline de Buyumu et a défoncé la porte d'un homme de commande, Daniel. Et ce dernier a été assassiné. Et d'ailleurs, il a été décapité et sa femme aussi a été tuée. Ils ont tiré 8 balles. C'était dans la nuit sombre. Alors ces gens-là sont retournés dans la brousse. Jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui ne sont pas identifiés. Mais je peux vous dire que nous avons saisi un fusil Kalachnikov qui a été utilisé par ces malfaiteurs. Serez-vous au courant des réseaux qui seraient derrière cet assassinat? Je sais dire que les réseaux politiques ne sont pas épargnés parce que c'était un président de la Ligue des jeunes, Emmanuel Akoué, dans la zone Elugazi. Mais pour d'autres raisons, vraiment, c'était un homme intègre qui correspondait bien avec la population, avec l'entourage. Vraiment, je pense que les réseaux politiques peuvent être ciblés. La population environnante et la paix que je peux lancer, c'est de rester sereine et de garder la solidarité qui caractérise les gens de cette colline et doubler de vigilance parce que l'ennemi n'est pas loin. Et vous nous excuserez au niveau de la qualité sonore de cet élément. Toujours au nord du pays, grogne et peur au sein de la population du site des déplacés de Moussaigné en commune et Tangara de la province Ngozi. Et ces jours-ci, suite à la disparition de 4 personnes de Moussaigné dans une période ne dépassant pas 3 mois, la récente disparition date de 2 jours selon les habitants de ce site. Les responsables de services provinciaux indiquent qu'ils n'étaient pas au courant de cette situation. Donc, Ozi Apollinaire Mouzaga, la correspondance. Celui qui a été enlevé récemment par des personnes encore connues, c'est le caporal-chef Jean-Claude Habiakare, natif de ce site déplacé de Moussaigne. Selon sa famille, il a répondu à quelqu'un qui l'appelait à son téléphone portable ce mardi en ville d'Ongoz. Dès lors, sa famille l'a attendu mésenve. Selon toujours sa famille, Jean-Claude était venu en Ngozi à la recherche de son petit frère, Prosper Ndouayo, lui aussi disparu il y a environ 3 semaines. L'autre, Marius Ndaikengurutse, professeur d'histoire à l'école normale de Rukago, reste introuvable depuis le 21 août dernier. Lui aussi a répondu à un appel vers 20h alors qu'il était au quartier Mulemera, selon toujours les membres de sa famille. Le quatrième, Clovis Ngabirano, lui aussi a disparu il y a environ 1 mois. Et les 4 sont natifs de société déplacée de Moussaigne. Leur famille parle d'enlèvement dont le motif reste inconnu. Ce mercredi, certains des membres de leur famille se sont confiés aux responsables des différents services provinciaux. Ces derniers indiquent qu'ils n'en étaient pas au courant et qu'ils vont donc suivre de près ce dossier. Les représentants de ces déplacés de Moussaigne déplorent que certaines hautes autorités de ce pays natif de Tangara ont été informées de la situation, mais sans aucune suite. Donc, Ozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyika. Apollinaire Muzagala et page éducation, 157 élèves parmi ceux qui ont passé le concours national édition 2018 dans les écoles fondamentales de la province scolaire de Rumonge n'ont pas droit à l'avancement de classe, quelle que soit la note obtenue au concours national. Ces élèves n'ont pas terminé l'année scolaire 2017-2018, conformément à la loi, selon Adrien Sabouchimike, directeur provincial de l'enseignement à Rumonge, qui informe qu'ils peuvent demander le redoublement. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Ils se comptent à 90 en commune Rumonge, 28 en commune Wuyengero, 23 en commune Wurambi, 9 en commune Muhuta et 7 en commune Bugarama. Des élèves qui ont passé le concours national édition 2018 mais qui n'ont pas droit d'avancer de classe, quelle que soit la note obtenue à cet examen national, selon Adrien Sabouchimike, directeur provincial de l'enseignement de Rumonge. Selon son responsable scolaire, ces élèves ont soit carrément abandonné l'école après la passation du concours national. D'autres se sont présentés et ont passé une partie des examens de fin d'année et d'autres encore ont eu un échec en éducation et toutes ces catégories ne peuvent pas avancer de classe telles que récemment ordonnées par le ministère ayant l'éducation dans ses attributions. Mais ces élèves peuvent demander le redoublement là où il y a encore des places, selon Adrien Sabouchimike, qui invite les élèves à respecter scrupuleusement la loi. On n'a pas eu ces élèves concernés pour une éventuelle réaction. Mais du côté des enseignants interrogés, il s'agit là d'une mesure qui rétablit la discipline chez les élèves des 9e années, surtout après la passation du concours national, estimant que leur suivi était devenu un casse-tête. Jean-Pierre Misago de Kurumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Toujours page éducation, la somme de 2000 francs exigée pour l'octroi de l'attestation de service de réussite au concours national est fixée par une ordonnance ministérielle et en plus elle demande plus de moyens. Cela est dit par le président du Bureau des évaluations du système éducatif burundais, Patrice Manengeli, indique que la question de décentralisation en ce qui concerne l'octroi de ce document est impossible car ils craignent la fraude de ce dernier. Suivez-le au micro d'Anosiat Ndabarushimana. D'abord, je dois dire que ça, c'est une ordonnance ministérielle signée par le ministre de l'Éducation. Un enfant qui demande le relevé des points donne 2000, une attestation de réussite simple, 1000 francs. Alors, s'ils disent que 2000, c'est trop, et combien il faut pour une attestation de réussite? Donc, il compare la somme, ceux qui cherchaient l'attestation de réussite à l'Exeta. Non, mais il faut visiter l'ordonnance. À l'Exeta, comme au concours national après l'enseignement fondamental, c'est pareil. Si vous demandez encore une fois le relevé des points, c'est 2000. Parce que là, il faut prendre le temps pour faire le tableau qui donne les détails. Mais si vous demandez seulement une attestation de réussite simple, là, c'est 1000 francs, que ce soit en 9e ou à l'examen d'état. C'est sur leur demande, parce que deux fois, on donne l'attestation des réussites simples, mais ils viennent demander les relevés des points, parce que là où ils vont déposer les documents, on les demande de relever des points. Alors, c'est en fonction de temps pour traiter une demande l'un ou l'autre. Ces élèves et même les parents disent que quand ils viennent retirer l'attestation, ils viennent de plusieurs coins du pays et ils voient que c'est trop loin. Pourquoi on ne peut pas décentraliser ce bureau? Pour ceux-là qui sortent du pays, qui vont chercher les inscriptions ailleurs, on leur demande d'avoir une attestation signée par un bureau et non pas par plusieurs bureaux. Voilà une des raisons. Et puis une autre raison, c'est pour éviter les fuites. Si on décentralise un peu trop là, on risque d'avoir trop de tricheries. Alors c'est pour cela qu'on a centralisé la délivrance de ces attestations. Sinon, un DCI ou un DPE, il peut donner l'attestation, mais l'attestation n'aura pas de poids comme l'attestation qui est délivrée au bureau des évaluations, surtout pour ceux qui sortent du pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Et à 13h05, je vous le disais au début du journal, les employés de la société Lumitel poursuivent leur mouvement de grève entamé depuis le 6 septembre à l'inspection générale du travail où ils s'étaient adressés pour question de conciliation avec l'employeur. On a déjà transmis le dossier à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au ministère de la fonction publique. Les employés de Lumitel espèrent que là, ils pourront avoir des réponses à leurs doléances. Léonce Bitaliho. Les employés de l'UMITEL affirment que leur employeur n'affiche aucune volonté de se concilier avec eux. Cela se manifeste par son absence dans tous les rendez-vous fixés par l'inspection générale du travail pour les écouter, déplore l'un d'eux. Durant les 4 séances que l'inspection a organisées, aucun point n'a trouvé solution. Aujourd'hui, le dossier a été transmis au ministère de la fonction publique. Les 2 premières séances, il a été présent, mais à partir de la 3e séance, il a tout fait pour échapper les négociations, disant qu'il est vraiment empêché parce qu'il y a des pannes qu'il soupçonne que sont causées par les employés en grève. Même à la 4e séance, il a fait de même. Selon les mêmes employés, l'inspection générale du travail n'a ménagé aucun effort pour concilier les deux parties, mais sans succès. Là où en sont les choses pour le moment, disent-ils, la même inspection générale a déjà transmis le dossier à l'échelon supérieur, c'est-à-dire au niveau du ministère du Travail. C'est là où ils attendent la solution. Nous avons espoir qu'au niveau du ministère, nous allons trouver un bon résultat parce que là, on fait l'arbitrage, donc ils vont trancher. Les employés de l'UMITEL ont dressé une liste de 17 doléances au début de leur mouvement de grève le 6 septembre. Entre autres réclamations, il y a les contrats de travail à durée indéterminée, le mode de calcul de la prime d'ancienneté qui, selon eux, n'est pas conforme, le mode de calcul de l'IPR et de l'INSS, etc. Ils affirment qu'au lieu de donner au personnel les contrats à durée indéterminée, l'employeur préfère de temps en temps les faire retourner de façon cyclique au statut de stagiaire. Il y a de cela 4 ans. Merci Léonce. Et 974 Omanais et l'effectif des Omanais vivant au Burundi sans nationalité. Cela a été dit ce mercredi par le ministre de l'Intérieur à l'hémicycle de Kigobe. Pascal Balandagué répondait aux questions des députés par rapport à l'état d'avancement de la mise en application de lutte contre l'apatride. Évariste Nskobanyanga s'est rendu à l'hémicycle de Kigobe sans reportage. Les membres du Chambre basse et du Parlement trouvent que le gouvernement burundais a traîné les pieds en ce qui est mis en application de la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie au Burundi. Ils l'ont dit ce mercredi lors des questions orales à l'endroit du ministre de l'Intérieur qui était à l'hémicycle de Kigobe pour présenter le projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la dite convention. Le ministre Pascal Ibarandaguié confirme également qu'il y a eu un retard dans la mise en application de cette convention relative à la réduction des cas d'apatridie car beaucoup d'étrangers vivent au Burundi sans avoir la nationalité burundaise. Parmi ceux-là figurent 974 Omanais que le ministre Pascal Ibarandaguié indique que leur pays d'origine a refusé de leur accorder la nationalité. Pire encore, ces derniers ayant refusé la nationalité burundaise. Selon certains députés, il faut qu'il y ait une loi burundaise incitant ces étrangers à demander la nationalité burundaise et s'ils sont réticents et s'ils sont récidivistes et qu'ils quittent le sol burundais, ajoutent ces représentants du peuple. Sur cette question des Omanais vivant au Burundi sans nationalité, le ministre de l'Intérieur répond que le gouvernement burundais est en train de demander une réunion avec l'OHCR et le gouvernement omanais pour que cette question trouve l'issue favorable. Les députés burundais ont aussi haussé le ton sur le cas des Congolais qui vivent depuis Belle-Lurette au Burundi, détenant des cartes nationales d'identité pour la nationalité qui n'ont pas demandé. Ceux qui ont octroyé ces cartes nationales d'identité ont commis une erreur, ajoute-t-il. Le ministre de l'Intérieur condamne également les anciens dignitaires à ce sujet. Le ministre Balandaguié a répondu aux députés que le gouvernement burundais a un projet, celui d'octroyer les cartes nationales d'identité biométriques, une politique qui pourra déterminer l'effectif de ces Congolais qui détiennent des cartes nationales d'identité sans nationalité burundaise et qui pourront se conformer à la loi, a ajouté le ministre Balandaguié. Radio Isanganiro, chronique éducation. Et l'évaluation donnée par l'enseignant à ses apprenants est très importante, comme l'explique Élisée Nyonzima, pédagogue et professeur d'université. L'évaluation permet à l'enseignant de mesurer le chemin parcouru avant de progresser avec son cours ou sa leçon. Il ajoute qu'une évaluation n'est pas donnée n'importe comment, car une fois mal faite, l'enseignant n'arrive pas aux objectifs qu'il s'est fixés. Les détails, c'est dans cette chronique éducation préparée et présentée par Eline Bell Nibigila. L'enseignant donne une évaluation à ses apprenants pour connaître leur niveau de connaissance. Le pédagogue et professeur d'université Élisée Niyonzima explique qu'avant d'évaluer, il faut d'abord se rassurer qu'on a bien enseigné. Une évaluation est une des étapes de l'apprentissage que je peux qualifier d'importante étape. Pourquoi importante? Parce que c'est à partir de l'évaluation que l'enseignant ou même le formateur, toute personne qui a enseigné quelque chose à un groupe, par groupe ici, comprendre aussi une classe, doit connaître ce que savent dans son domaine les apprenants. Alors, comment va-t-il le savoir? Il n'y a pas d'autre moyen, il faut interroger. Cet expert en éducation parle de trois moyens d'évaluation, dont une évaluation préalable avant de commencer la leçon pour préparer le cours à dispenser. De plus, l'enseignant interroge au milieu de son cours pour évaluer le niveau de connaissances qu'il a déjà accordé à ses apprenants. La dernière évaluation est fixée à la fin du cours ou de la leçon, comme toujours expliqué par l'expert en pédagogie. Avant l'apprentissage, pour savoir qu'est-ce qu'ils savent de ce que je veux leur apprendre. Alors, la réponse à cette question va déterminer la structure que vous allez donner à votre contenu. Quand nous préparons une séance ou quand nous préparons nos cours à l'école primaire, on va parler de leçons, je me fixe des objectifs. Quels objectifs sont déclinés en objectif général, spécifique ou un objectif intermédiaire? Pour atteindre ces objectifs, je dois trouver des contenus qui vont à les atteindre. Mais il y a une autre évaluation. Par moment, c'est une évaluation réglementée où on dit vous allez faire autant d'interrogations, autant d'évaluations selon que vous êtes au primaire, au secondaire ou à l'université même. L'évaluation, la toute dernière, est une évaluation au niveau du semestre, est une évaluation sommative tout court. Mais quels sont d'autres avantages de l'évaluation? Le pédagogue Niyonzima nous donne la réponse. Cette évaluation-là va vous donner, pendant que vous êtes en train d'animer votre séance, va vous montrer si oui, ils vous suivent correctement ou non. Si c'est non, vous devez réguler. La régulation consiste à dire, ici, je trouve qu'ici, ils ne m'ont pas très bien saisi. Alors, vous devez trouver d'autres mécanismes d'explication. Vous évaluez, vous réalisez qu'ils n'ont pas compris. S'ils n'ont pas compris, vous n'avez pas le droit d'avancer. Vous devez refaire, répéter, dans le sens de « je vais avancer quand ils ont compris ». Dans notre prochaine chronique éducation, nous vous parlerons des difficultés rencontrées pendant le processus d'évaluation et comment l'enseignant devrait s'y prendre en cas d'absence des apprenants à une évaluation. Actualité internationale. Ce mercredi, la commission électorale congolaise doit rendre publique la liste définitive des candidats à la présidentielle de décembre. L'opposant Jean-Pierre Bemba n'y figurera pas puisque la Cour constitutionnelle a confirmé la décision d'invalider sa candidature. Et au Niger, un prêtre italien a été enlevé lundi soir 17 septembre. Ce prêtre travaillait pour la Société des missions africaines à la paroisse Tobamoanga depuis 11 ans dans la commune de Makolondi au sud-ouest du Niger. Deux autres prêtres qui travaillaient avec lui sont sains et saufs. Les armées nigériennes et burkinabèses ont lancé des recherches pour intercepter les ravisseurs. Les détails avec Richard Kougarugila. La commission électorale congolaise, la CENI, doit rendre publique la liste définitive des candidats à la présidentielle de décembre, ce mercredi. En toute logique, Jean-Pierre Bemba n'y figurera pas puisque la Cour constitutionnelle a confirmé la décision d'invalider sa candidature. Pour autant, l'ex-vice-président ne baisse pas les bras, comme en témoigne sa décision de faire une nouvelle fois appel à la peine prononcée contre lui ce lundi à la CPI pour subornation de témoins. En faisant appel de la peine prononcée lundi, dit, l'opposant espère non seulement une réduction de cette peine, mais aussi une éventuelle annulation de sa condamnation pourtant confirmée en appel. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocate en invoquant l'article 81 du statut de Rome. Parallèlement, Jean-Pierre Bemba multiplie les contacts diplomatiques à Paris et à Bruxelles pendant que ses proches et ses camarades de l'opposition sont en Afrique du Sud. Il cherche à trancher l'épineuse question d'une candidature commune et à s'attirer des sympathies à l'international malgré les mises en garde de Kinshasa contre toute ingérence étrangère. Au Niger, un prêtre italien a été enlevé lundi soir 17 septembre. Le père Pierre Luigi Makali travaillait pour sa société des missions africaines à la paroisse de Bamoanga depuis 11 ans dans la commune de Makolondi au sud-ouest du Niger et à 125 km de Niamey. Deux autres prêtres qui travaillaient avec lui sont sains et saufs. L'enlèvement s'est produit lundi soir vers 21h locale à la paroisse de Bamoanga dans le Gourma nigérien, une zone majoritairement chrétienne au sud de la capitale. 8 hommes armés sont arrivés à moto de la frontière burkinabé et s'en sont pris aux religieux italiens qui vivaient là depuis 11 ans avec deux sœurs franciscaines, missionnaires de Marie. L'enlèvement n'a pour l'heure pas été revendiqué du côté du gouvernement. On estime qu'il s'agit d'une opération d'opportunité menée par des individus en fuite, probablement cernés par les opérations militaires en cours précisément dans la zone. Des patrouilles de deux armées nigériennes et burkinabées sont mises en contribution à travers une opération militaire conjointe pour retrouver le prêtre italien de 57 ans. Richard Koubgaroukila, c'est sur cette actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Audrey Ndaïkeza pour sa mise en onde. Christelle Anisgam a été à la présentation. Le programme continue à la radio Isanganiro.